Un directeur de conscience qui recommande de couvrir ce sein qu'il ne saurait voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. On a beau lui répondre à ce directeur de conscience, que vous avez évidemment identifié, qu'il est bien tendre à la tentation, que la chair sur ses sens fait grande tentation, il ne se laisse pas intimider. Car pour être dévot, il n'en est pas moins homme. Et puis, il s'est trouvé avec le ciel certains accommodements. Qui saura faire la distinction entre hypocrisie et dévotion? Qui saura ne pas estimer la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Ah, le pauvre homme! Michel Polak avait choisi pour « Lectures à une voix » un Tartuffe excellent, lequel comédien allait interpréter, c'était le principe de la série, tous les rôles de la pièce de Molière. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 25 avril 1954. La radiodiffusion Télévision Française présente une émission publique du Club d'essai transmise du Théâtre des Noctambules, Lecture à une voix, émission de Michel Polak et Guy Maxence. Aujourd'hui, Tartuffe de Molière, lu par Fernand Ledoux. Voici Fernand Ledoux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Tartuffe est une pièce trop connue pour que je m'étende sur une conception particulière ou d'interprétation ou de mise en scène. Je vais simplement vous planter le décor. Le décor représente une salle basse, la scène est à Paris, comme nous dit Molière. Le décor se constitue sur deux plans, dans le fond une large galerie surélevée menant vers la chambre de Tartuffe et la chambre d'Elmire. Au premier plan, le plan le plus rapproché du public, une salle basse, une porte à gauche menant vers l'extérieur, une porte à droite menant vers les appartements, et au premier plan, chose très importante, un petit cabinet, une porte donnant accès à un petit cabinet dans lequel Damis ira se cacher pendant la scène du 3. Enfin, en scène, quelques chaises, quelques fauteuils, et surtout une table, accessoire très important, cette table recouverte d'un large tapis, qui doit pouvoir dissimuler complètement la table aux yeux des spectateurs. Les personnages, vous les connaissez. Nous avons d'abord Madame Pernel, la grand-mère, Orgon, le mari, Elmire, la femme d'Orgon, mais la seconde femme d'Orgon, la belle-mère des enfants, Damis, fils d'Orgon et d'un premier mariage, Marianne, fille d'Orgon et d'un premier mariage, Valère, amant de Marianne, Cléante, frère d'Elmire, par conséquent beau-frère d'Orgon, Tartuffe, faux dévot ou imposteur, Dorine, suivante de Marianne, Monsieur Loyal, un exempt, et Flipote, une servante de Madame Pernel. Le rideau se lève, nous sommes au petit matin, et brusquement l'action va précipiter sur scène les personnages de cette famille. D'une part, la grand-mère têtue, adorant Tartuffe. D'autre part, tous les personnages, Elmire, Cléante, Damis, Marianne et Dorine, portant déjà un doute sur la sincérité de Tartuffe. Si bien que dès le début, les positions sont prises. Pendant toute l'action, nous n'aurons que deux personnages croyant à la sincérité de Tartuffe, c'est d'une part Orgon, le fils, et Madame Pernel, la mère. D'autre part, dès le lever du rideau, tous les personnages, et les personnages sains, logiques de la pièce, sont convaincus de l'hypocrisie de Tartuffe. Il n'y a donc, à mon avis, aucun doute. Tartuffe doit apparaître au public comme un hypocrite et qui révèle dès le début ses batteries. Et le jeu est fait précisément de cette complicité de l'hypocrisie de Tartuffe avec le public, et de la façon dont il essaye de duper deux êtres qui croient en sa sincérité. Si Tartuffe est un personnage d'une hypocrisie, celle par exemple de Machiavel, ou si l'on veut de Talleyrand, il est certain que son hypocrisie n'apparaîtrait jamais, qu'il aurait le génie de l'hypocrisie et qu'on ne verrait jamais son hypocrisie. Ce sera l'action seule qui la dévoilerait. La trame de la pièce, comme toutes les trames chez Molière, c'est simplement un mariage contrarié. Une jeune fille veut épouser un jeune homme, le père s'y oppose ou la mère s'y oppose. C'est le thème qu'il y a dans Les Femmes Savantes, c'est le thème qu'il y a dans Le Médecin Malgré Lui, c'est le thème du malade imaginaire, c'est le thème éternel sur lequel Molière va broder des caractères selon le milieu et le comportement. Scène première. Je ne vous lirai pas chaque fois les noms des personnages, ce serait trop fastidieux, je ne le ferai que quand une confusion pourrait s'établir dans votre esprit. Donc, dès le début, nous avons Madame Pernel, Flipote, Elmire, Marianne, Dorine, Damis, Cléante. Madame Pernel. Allons, Flipote, allons, que d'eux je me délivre. Elmire, vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre. Madame Pernel, laissez, ma bruit, laissez. Venez pas plus loin, ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin. Elmire, de ce que l'on vous doit envers vous en s'acquitte, mais ma mère, d'où vient que vous sortez si vite? Madame Pernel, c'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci, et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous fort mal édifié, dans toutes mes leçons j'y suis contrarié. On n'y respecte rien, chacun y parle haut, et c'est tout justement la cour du roi Péto. Dorine, si. Madame Pernel, vous êtes, mamie, une fille suivante un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Damis, mais vous êtes un sot, en trois lettres, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Marianne, je crois. Madame Pernel, mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète et vous n'y touchez pas tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort et vous menez sous chape un train que je hais fort. Elmire, mais ma mère. Madame Pernel, ma bru, qu'il ne vous en déplaise, votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux, et leur défunte mère en usait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et c'était à meublesse que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Cléante. Mais madame, après tout, Madame Pernel, pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre qui, par d'honnêtes aux gens, ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Damis, votre monsieur Tartuffe est bien heureux, sans doute. Madame Pernel, c'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux de le voir quereller par un fou comme vous. Damis, quoi ? Je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séance un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce beau monsieur-là dit d'en consentir. Dorine, s'il le faut écouter, croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout ce critique zélé, Madame Pernel, et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tous induire. Damis, non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirai mon cœur à parler d'autre sorte. Sur ses façons de faire, à tout coup, je m'emporte, j'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Dorine, certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séance s'impatronise. Qu'un gueux, qui quand il vint n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers, on vienne jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Madame Pernel, merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Dorine, il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tous en fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Madame Pernel, voyez la langue. Dorine, à lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai, moi, que sur un bon garant. Madame Pernel, j'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrousse et l'intérêt du ciel est tout ce qui le pousse. Dorine, oui. Mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante séant? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi jaloux. Madame Pernel, taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carrosses sans cesse à la porte plantée et de temps de laquelle le bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle. Et cela n'est pas bien. Cléante, et voulez-vous, madame, empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si, pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire.

et prend droit de gloser sur tout ce temps que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fait qu'il lui sert de garçon, qu'il ne se mêle aussi de nous faire le son. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des seins, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. Rentre Elmire, Marianne, Damis. Elmire, vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Cléante, moi je l'attends ici pour moins d'amusement et je veux lui donner le bonjour seulement. Elmire sort, Damis s'adressant à son oncle. De l'hymen de ma sœur, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose. Qu'il oblige mon père à des détours si grands. Et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait Dorine, il entre. Damis et Marianne sortent et restent en scène, Cléante, Dorine et Orgon qui entrent. Orgon. Ah, mon frère, bonjour. Cléante, je sortais, j'ai joie à vous voir de retour, la campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Orgon. Dorine, mon beau frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séan? Comme est-ce qu'on s'y porte? Dorine. Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir avec un mal de tête étrange à concevoir. Orgon. Et Tartuffe? Dorine. Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Orgon. Le pauvre homme. Dorine. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Orgon. Et Tartuffe? Dorine. Il soupa, lui, tout seul, devant elle. Et fort dévotement, il mangea deux perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Orgon. Le pauvre homme. Dorine. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Orgon. Et Tartuffe. Dorine, pressée d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Orgon. Le pauvre homme. Dorine, à la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée et le soulagement suivit tout aussitôt. Orgon. Et Tartuffe? Dorine. Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Orgon. Le pauvre homme. Dorine. Tous deux se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Dorine sort, reste en scène, Orgon et Cléante. Cléante. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui? Qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point. Orgon, halte-là, mon beau-frère! Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Cléante, je ne le connais pas puisque vous le voulez, mes enfants. Pour savoir quel homme ce peut être, Orgon, mon frère. Vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Oh! Un homme! Un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui. Je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Cléante, les sentiments humains, mon frère, que voilà. Orgon, ah, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui dans tout l'imitait de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. « C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, oh pauvre, à mes yeux, il allait le répondre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous? Que tout ce badinage, orgon, mon frère, ce discours sans le libertinage? Vous en êtes un peu dans votre âme entichée, et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Cléante. Voilà de vos pareils le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux, et qui n'adore pas de 26 magrées, n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez! Tous vos discours ne me font point de peur. Je sais comme je parle. Et le ciel voit mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves. Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit, les vrais braves, soit ceux qui font beaucoup de bruit, les bons et vrais dévots, qu'on doit suivre à la trace, ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi, vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne. Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, ils passent ses limites, et la plus noble chose, ils la gâtent souvent pour la vouloir outrer et pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau frère. Orgon, oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère, tout le savoir du monde est chez vous retiré, vous êtes le seul sage et le seul éclairé, un oracle, un caton, dans le siècle où nous sommes, et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Cléante, je ne suis point, mon frère, un docteur révéré, le savoir chez moi n'est pas tout retiré, mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, voir la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose au monde est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. Que ces francs charlatans, que ces dévots de place de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré. Ces gens qui par une âme à l'intérêt soumise font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés. Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui, brûlants et priants, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leur zèle avec leur vice, sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère et que leur passion, dont on leur sait bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Ariston, regardez Périandre, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre. Ce titre, par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine, est traitable. Ils ne censurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, et leur âme est portée à juger bien d'autrui. Point de cabale en eux, point d'intrigues à suivre. On les voit, pour tout soin, se mêler de bien vivre. Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement, ils attachent leur haine au péché seulement. Ils ne veulent point prendre avec un zèle extrême les intérêts du ciel plus qu'il ne veut lui-même. Voilà mes gens, voilà comme il en faut user. Voilà l'exemple, enfin, qu'il se faut proposer. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Orgon. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit ? Cléante. Oui. Orgon, je suis votre valet. Il veut s'en aller. Cléante, de grâce un mot, mon frère, laissons-le ce discours. Vous savez que Valère pourrait être votre gendre à parole de vous. Orgon, oui. Cléante, vous aviez pris jour pour un lien si doux. Orgon, il est vrai. Cléante, pourquoi donc en différer la fête ? Orgon, je ne sais. Cléante, auriez-vous autre pensé en tête ? Orgon, peut-être. Cléante, vous voulez manquer à votre foi ? Orgon, je ne dis pas cela. Cléante, nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Orgon, selon. Cléante, pour dire un mot, faut-il tant de finesse ? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Orgon, le ciel en soit loué. Cléante, mais que lui reporter ? Orgon, tout ce qu'il vous plaira. Cléante, mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc ? Orgon, de faire ce que le ciel voudra. Cléante, mais parlons tout de bon, Valère, à votre foi. La tiendrez-vous ou non ? Orgon, adieu. Cléante, restant seul, pour son amour, je crains une disgrâce et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Acte 2. Orgon entre en scène, ouvre la porte et appelle sa fille. Marianne, mon père, approchez, j'ai de quoi vous parler en secret. Orgon traverse la scène, va ouvrir la porte du petit cabinet que je vous ai signalé tout à l'heure et ouvre cette porte. Marianne, que cherchez-vous ? Orgon, je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Après s'être assuré qu'il n'y a personne, il referme la porte. Orsus, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous reconnu de tout temps, un esprit assez doux, et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte ? Qui ? Moi ? Vous. Voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand toutes ces personnes à haut mérite brillent, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et ? Qu'est-ce ? Plaît-il ? Quoi ? Me suis-je méprise ? Comment ? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux ? Tartuffe ! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture ? Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi, vous voulez, mon père ? Oui, je prétends ma fille. Unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. Et comme sur vos voeux, je... Et à ce moment, il aperçoit Dorine qui, depuis un certain temps, est déjà en scène. Que faites-vous là ? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Dorine, vraiment ? Je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Orgon, quoi donc ? La chose est-elle incroyable ? Dorine, à tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Orgon, je sais bien le moyen de vous le faire croire. Dorine, oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson ! Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis ! Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux, eh bien, l'on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi ? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir ? Écoutez ! Vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point, je vous le dis, mamie ! Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot ? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot, il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance ? À quel sujet aller, avec tout votre bien, choisir un gendre gueux ? Taisez-vous ! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'enfin, de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. C'est son fief. qu'apprend titre au paysan renomme, et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme. Dorine. Oui. C'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sait pas bien avec la piété. Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point tant prôner son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, et que ceux dont partout on montre au doigt le front font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris faits d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle est, est responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre, Orgon. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Dorine, vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Orgon, ne nous amusons point, mes filles, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut, et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère, mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises, Dorine. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceurs et plaisirs. Ensemble, vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Dorine, elle n'en fera qu'un saut, je vous assure. Orgon, ouais, quel discours! Dorine, je dis qu'il en a l'encolure, et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aimait, je ne veux pas qu'on m'aime. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Votre honneur, mes chers, je ne puis souffrir qu'au brancard d'un chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairas-tu, serpent, dont les traits effrontés... Vous êtes dévot et vous vous emportez. Oui, ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises et tout résolument... Je veux que tu te taises. Soit. Mais ne dis en mot, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux. Mais applique tes soins de mon point par les hauts. C'est fait. Comme sage, j'ai pesé mûrement toute chose. Dorine, j'enrage de ne pouvoir parler. Orgon, sans être damoiseau, Tartuffe a fait de sorte, Dorine. Oui, c'est un beau museau. Orgon, que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons, Dorine, la voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferais voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Orgon, donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. Dorine, de quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Orgon, qu'est-ce que tu fais donc, Dorine? Je me parle à moi-même. Orgon, fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille... Vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire. Que ne te parles-tu, Dorine? Je n'ai rien à me dire. Orgon, encore un petit mot, Dorine. Il ne me plaît pas, moi. Orgon, certes, je t'y guettais. Dorine, quelque sotte, ma foi. Orgon s'adressant à sa fille. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Dorine, s'enfuyant. Je me moquerai fort de prendre un tel époux. Orgon, vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sans péché je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Il sort. Dorine, revenant aussitôt à Marianne. Dorine. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole, et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Marianne, contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Dorine, ce qu'il faut pour parer une telle menace. Marianne, quoi? Dorine, lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Marianne a un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Dorine, mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas, l'aimez-vous, je vous prie. Ou ne l'aimez-vous pas, Marianne? Oh, qu'envers mon amour ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Dorine, que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout bon que cet amant vous touche? Marianne, tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter, et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Dorine, enfin, vous l'aimez donc, Marianne? Oui, d'une ardeur extrême, Dorine. Et selon l'apparence, il vous aime de même, Marianne? Je le crois. Dorine, et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble? Marianne, assurément. Dorine, sur cette autre union, quelle est donc votre attente? Marianne, de me donner la mort, si l'on me violente. Dorine, fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion, molly comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée, Marianne? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés d'origine? Non, non! Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh oh! N'est-ce rien qu'on propose? Certes, monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Marianne, mon Dieu! Dorine, quelle allégresse serez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme? Marianne, assez, je te prie, un semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. En effet, je me rends et suis prête à tout faire. Dorine, non! Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, qu'en oncles et cousins vous trouverez fertile, et vous vous paierez fort à les entretenir. D'abord, chez le bon monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame l'Élu, qui d'un siège pliant vous feront honorer, là dans le carnaval. Vous pourrez espérer le bal et la grand bande, à savoir deux musettes, et parfois Fagotin et les marionnettes. Si pourtant votre époux Marianne... Ah, tu me fais mourir, de tes conseils plus sautants jamais secourir. Dorine, je suis votre servante et Dorine de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe, ma pauvre fille. Non! Si mes voeux déclarés, point, Tartuffe et votre âme, et vous en tâterez. Tu sais, quatre fois toujours, je me suis confié, fais-moi. Non! Vous serez, ma foi, tartuffié. Marianne, eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Elle veut s'en aller, Dorine. Et là, là, revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Marianne, vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Dorine, ne vous tourmentez point. On peut adroitement t'empêcher. Mais voici Valère, votre amant. Valère, on vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Marianne, quoi? Valère, que vous épousez Tartuffe. Marianne, il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Valère, votre père, madame. Marianne a changé de visée, la chose vient par lui de m'être proposée. Valère, quoi? Sérieusement? Marianne, oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Valère, et quel est le dessein où votre âme s'arrête, madame? Marianne, je ne sais. Valère, la réponse est honnête. Vous ne savez? Marianne, non. Valère, non! Marianne, que me conseillez-vous? Valère, je vous conseille, moi, de prendre cet époux, Marianne. Vous me le conseillez, Valère? Oui. Marianne, tout de bon, sans doute, le choix est glorieux, il vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, n'en a souffert votre âme. Moi, je l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Dorine, voyons ce qui pourra de ceci réussir. Valère, C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous, Marianne, ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Valère, ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Marianne, il est vrai, c'est bien dit. Valère, sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur, Marianne. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Valère, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra peut-être en un pareil dessein. Et je sais où porter. Et mes voeux, et ma main. Marianne, oh, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite, Valère, mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu, sans doute, et vous en faites foi. Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi. Et j'en sais de qui l'âme à ma retraite ouverte consentira sans honte à réparer ma perte. Marianne, la perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement, Valère. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut à l'oublier mettre aussi tous nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit feindre au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Marianne, ce sentiment sans doute est noble et relevé. Valère, fort bien. Et d'un chacun, il doit être approuvé. Et quoi ? Vous voudriez qu'à jamais dans mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma femme, et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas ? Marianne, au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Et je voudrais déjà que la chose fût faite. Valère, vous le voudriez ? Marianne, oui. Valère, c'est assez m'insulter, madame, et de ce pas, je vais vous contenter, Marianne. Fort bien. Valère, souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Marianne, oui, Valère, et que le dessein que mon âme conçoit n'est rien que votre exemple. Marianne, à mon exemple, soit. Valère, suffit. Vous allez être à point nommé servi. Marianne, tant mieux. Valère, vous me voyez. C'est pour toute ma vie. Marianne, à la bonne heure. Valère arrivant à la porte. Marianne, quoi ? Valère, ne m'appelez-vous pas. Marianne, moi ? Vous rêvez. Valère, eh bien, je poursuis donc mes pas. Et il revient en scène. Adieu, madame. Marianne, adieu, monsieur. Dorine, pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance et je vous ai laissé tout de long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Oh là, seigneur Valère ! Et que veux-tu, Dorine ? Venez ici. Non, non, le dépit de madame ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez. Non, vois-tu, c'est un point résolu. Ah, Marianne, il souffre à me voir ma présence le chasse et je ferais bien mieux de lui quitter la place. Dorine, à l'autre. Où courez-vous ? Marianne, laisse. Dorine, il faut revenir. Marianne, non, non, Dorine, en vain tu veux me retenir. Valère, je vois bien que ma vue est pour elle un supplice et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Dorine, encore, diantre soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage. Et venez ça, tous deux. Valère, mais quel est ton dessein, Marianne ? Qu'est-ce que tu veux faire, Dorine ? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire ? Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé ? N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé ? Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée ? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité ? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'aime que vous seule et n'a point d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Marianne, pourquoi me donner un semblable conseil, Valère ? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil ? Dorine, vous êtes fous, tous deux. Ça, la main, l'un et l'autre. À Valère, allons-vous. À quoi bon, ma main ? Dorine à Marianne, à ça, la vôtre. De quoi sert tout cela ? Mon Dieu, vite, avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Valère à Marianne. Mais ne faites donc point les choses avec peine, et regardez un peu les gens sans nulle haine. Dorine, à vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Valère, oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous ? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante ? Marianne, mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat ? Dorine, pour une autre saison, laissons tout ce débat, et songeons à parer ce fâcheux mariage. Marianne, dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Dorine, nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque, et ce sont des chansons. Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. À Valère, sortez, et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère et dans notre partie jeter la belle-mère. Adieu. Valère à Marianne, quelques efforts que nous préparions tous, ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Marianne, je ne vous réponds point des volontés d'un père, mais je ne serai point à d'autres qu'à Valère. Valère, que vous me comblez d'aise, et quoi que puisse oser, Dorine, ah, jamais les amants ne sont là de jaser. Sortez, vous dis-je, Valère, enfin. Dorine, quel caquet est le vôtre ? Tirez de cette part, et vous, tirez de l'autre. Acte 3, Damis et Dorine. Damis. Que la foudre sur l'heure achève mon destin. Qu'on me traite partout du plus grand des faquins. S'il n'est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête et si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Dorine, arrête Damis. De grâce, modérez un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose. Et le chemin est long du projet à la chose. Damis, il faut que de ce fat, j'arrête les complots. Et qu'à l'oreille un peu, je lui dise deux mots. Dorine, à tout doux. Envers lui, comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût à Dieu qu'il vous fût vrai, la chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître s'il faut qu'à ce dessein, il prête quelque espoir. Son valet dit qu'il prie. Et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Damis, je puis être présent à tout cet entretien. Dorine, point, il faut qu'il soit seul. Damis, je ne lui dirai rien, Dorine. Vous vous moquez. On sait vos transports ordinaires, et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez, Damis. Non, je veux voir, sans me mettre en courroux. Dorine, que vous êtes fâcheux. Il vient, retirez-vous. Entre Tartuffe. Laurent, serrez ma hair avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Dorine, que d'affectation et de forfanterie. Tartuffe, que voulez-vous, Dorine ? Vous dire, Tartuffe... Ah ! Mon Dieu ! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Dorine, comment ? Tartuffe, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Dorine, vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas... que toute votre peau ne me tenterait pas. Tartuffe, mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter la partie. Dorine, non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Tartuffe, hélas, très volontiers. Dorine, comme il sera adouci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit. Tartuffe, viendra-t-elle bientôt? Dorine, je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne et je vous laisse ensemble. Tartuffe, que le ciel à jamais, par sa toute bonté de l'âme et du corps, vous donne la santé et bénisse vos jours autant que le désir le plus humble de ceux que son amour inspire. Elmire, je suis fort obligé à ce souhait pieux, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Tartuffe, comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. Elmire, c'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Tartuffe, je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. Elmire. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire et suis bien aise qu'ici aucun ne nous éclaire. Tartuffe, j'en suis ravi de même. Et sans doute il m'est doux, madame, de me voir seule à seule avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée. Elmire, pour moi ce que je veux c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Tartuffe, et je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment. Que les bruits que j'ai faits des visites qui s'y reçoivent vos attraits ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Elmire, je le prends bien aussi, crois que mon salut vous donne ce souci. Tartuffe, oui, madame, sans doute, et ma ferveur est telle. Ouf, vous me serrez trop. Tartuffe, c'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'eus jamais dessein, et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je tâte votre habit. L'étoffe en est moelleuse. Ah! De grâce laissée, je suis fort chatouilleuse.

D'autres prendraient cela d'autres façons, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire paraître, je ne redirai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc, et sans nulle chicane, l'union de Valère avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir et à ce moment, d'amis centre. Non, madame, non, ceci doit se répandre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre, et la bonté du ciel m'y semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit, pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence, à détromper mon père, et lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Elmire, non, Damis. Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche de mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédite pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottise pareille, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Damis, vous avez vos raisons pour en user ainsi, et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie, et l'insolent orgueil de sa cagoterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux, et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe, trop longtemps a gouverné mon père, et desservi mes feux, avec ceux de Valère. Il faut que du perfide, il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mériter qu'il me la vint ravir que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Elmire, Damis, non, s'il vous plaît. Il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie. Et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider l'affaire. Et voici justement de quoi me satisfaire. Entre Orgon. Orgon se précipite dans les bras de Tartuffe. Damis, nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais, qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses, et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret, mais je ne puis flatter une telle impudence et crois que vous la taire et vous faire une offense. Elmire, oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos ne doit d'un mari traverser le repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit. Sort Elmire, reste en scène Orgon, Damis, Tartuffe. Orgon s'adressant à Tartuffe. « Ce que je viens d'entendre au ciel, est-il croyable ?» Tartuffe. « Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux, et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Orgon. Oh ! Traître ! Oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté, Damis. Quoi, la feinte douceur de cette âme hypocrite vous fera démentir Orgon? Tais-toi, peste maudite Tartuffe. Ah, laissez-le parler. Vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi, sur un tel fait, maître si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non. Vous vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien. S'adressant à Damis, oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point, je les ai mérités, et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Orgon, mon frère, c'en est trop. À son fils, ton cœur ne se rend point traître. Damis, quoi, ces discours vous séduiront trop point. Orgon, tais-toi, Pandare. Orgon à Tartuffe, mon frère, élevez-vous de grâce. Orgon à Damis, infâme. Damis, il peut. Orgon, tais-toi. Damis, j'enrage, quoi, je passe. Orgon, si tu dis un seul mot, je t'en romprai les bras. Tartuffe, mon frère. Au nom de Dieu, Ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure, qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure. Orgon ingrat, Tartuffe, laissez-le en paix. S'il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Orgon, hélas, vous moquez-vous. Et tous les deux s'agenouillent et tombent dans les bras l'un de l'autre. Orgon à son fils coquin, en désignant Tartuffe, voit sa bonté. Damis, donc ! Orgon, paix ! Damis, quoi, je ? Orgon, paix, dis-je ! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Et je veux me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille. Damis, à recevoir sa main, on pense l'obliger. Orgon, oui, traître. Et dès ce soir, pour vous faire enrager. Ah ! Je vous brave tous. Et vous ferez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte. Et qu'à l'instant, Fripon se jette à ses pieds pour demander pardon. Damis, qui, moi, de ce coquin qui, par ses impostures, Orgon, ah, tu résistes, gueux, lui dis des injures. Un bâton. À Tartuffe, ne me retenez pas. À son fils, susque de ma maison, on sorte de ce pas et que d'y revenir, on n'est jamais l'audace. Damis, oui, je sortirai, mais. Orgon, vite, quittons la place. Je te prive, Pandare, de ma succession et te donne de plus ma malédiction. Et Damis est chassé de la maison paternelle. Orgon revenant et désignant Tartuffe, offensé de la sorte une sainte personne. Tartuffe, oh ciel, pardonne-lui comme je lui pardonne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère on tâche à me noircir. Orgon, hélas. Tartuffe, le seul penser de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. J'ai le cœur si serré que je ne puis parler et crois que j'en mourrai. Orgon, coquin ! S'adressant à son fils qui vient de partir. Je me repens que ma main t'ait fait grâce et ne t'ai pas d'abord assommé sur la place. Orgon, s'adressant à Tartuffe, remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Tartuffe, rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde Océan, quel grand trouble j'apporte, et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte. Orgon, comment ? Vous moquez-vous, Tartuffe ? On m'y est. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Orgon, qu'importe. Voyez-vous comment mon cœur les écoute ? Tartuffe, on ne manquera pas de poursuivre, sans doute. Et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Orgon, non, mon frère, jamais. Tartuffe, oh, mon frère, une femme aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme. Orgon, non, non, Tartuffe, laissez-moi vite en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Orgon, non, vous demeurerez, il y va de ma vie. Tartuffe revenant, eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, Orgon, oh, Tartuffe, soit, n'en parlons plus. Mais je sais comme il faut en user là-dessus, l'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez. Orgon, non ! En dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux pas avoir d'autre héritier que vous, et je vais de ce pas, en fort bonne manière, vous faire de mon bien donation entière. Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose ? Tartuffe, la volonté du ciel soit faite en toutes choses. Orgon, le pauvre homme. Allons vite en dresser un écrit et que puisse l'envie en crever de dépit. Quatrième acte, en scène Cléante et Tartuffe. Cléante, oui, tout le monde en parle, et vous m'en pouvez croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire, et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos pour vous en dire net ma pensée en deux mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose, je passe là-dessus et prends au pis la chose. Supposons que Damis n'en est pas bien usé, et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance, et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé. Je vous le dis encore, et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise, et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout, et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère, et remettez le fils en grâce avec le père. Tartuffe, hélas, Je le voudrais, quant à moi, de bon cœur, je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout. De rien, je ne le blâme, et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y saurait consentir. Et s'il rentre, Océan, c'est à moi d'en sortir. Après son action qui n'eut jamais d'égal, le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait ce que d'abord tout le monde en croirait, à pure politique, on me l'imputerait, et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je feins pour qui m'accuse un zèle charitable que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir sous-main au silence engagé. Cléante, vous nous payez ici d'excuses colorées, toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées. Les intérêts du ciel, pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances. Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses, et ne regardez point aux jugements humains quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi, le faible intérêt de ce qu'on pourra croire d'une bonne action empêchera la gloire? Non, non. Faisons toujours ce que le ciel prescrit. Et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Tartuffe, je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne, et sait faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Cléante. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien où le droit vous oblige à ne prétendre à rien, Tartuffe? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit un effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Et si je me résous à recevoir du père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est, à dire vrai, que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains, qu'il ne trouve des gens qui l'ayant en partage en fasse dans le monde un criminel usage, et ne s'en serve pas ainsi que j'ai dessein pour la gloire du ciel et le bien du prochain. Cléante. Eh, monsieur, n'ayez point cette délicate crainte qui d'injustes héritiers peuvent causer les plaintes. Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien, qu'il soit à ses périls possesseur de son bien. Et songez qu'il vaut mieux encore qu'il en mésuse, que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelques maximes qui montrent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damis, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète vous fissiez de séance une honnête retraite que de souffrir ainsi contre toute raison qu'on en chasse pour vous le fils de la maison, croyez-moi. C'est donné de votre prix d'ennemi, monsieur Tartuffe. Il est, monsieur, 3h30. Certains devoirs pieux me demandent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter sitôt. Cléante. Oh ! Entre Elmire, Marianne, tout en pleurs, Dorine et Cléante. Dorine, de grâce. Avec nous, employez-vous pour elle, monsieur. Son âme souffre une douleur mortelle, et l'accord que son père a conclu pour ce soir l'a fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Orgon entre, il vient de chez notaire, il a été donné tout son bien à Tartuffe, et il a établi le contrat de mariage entre Tartuffe et Marianne. Orgon. Ah ! Je me réjouis de vous voir assemblés à Marianne. Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire, Marianne. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la naissance et dispensez mes voeux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon père, infortuné. Si, contre un doux espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer. Au moins, par vos bontés qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre. Et ne me portez point à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Orgon, alors, ferme mon cœur. Point de faiblesse humaine. Marianne, vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien, et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien. J'y consens de bon cœur, et je vous l'abandonne. Mais au moins, n'allez pas jusque à ma personne, et souffrez qu'un couvent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Orgon. Ah ! Voilà justement de mes religieuses lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses. Debout ! Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage. Et ne me rompez pas la tête davantage. Dorine, mais quoi ? Orgon, taisez-vous, vous ! Parlez à votre écho, je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Cléante, si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde, Orgon, mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde, ils sont bien raisonnés, j'en fais un grand cas, mais vous trouverez bon que je n'en use pas. Elmire, à voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Orgon, je suis votre valet et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Et vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer. Vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autre manière ému, Elmire. Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort ? Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche ? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur, nous nous montrions sages. Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages dont l'honneur est armé de griffes et de dents et veut au moindre mot dévisager les gens, me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse. Et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à rebuter un cœur. Orgon, enfin, je sais l'affaire et ne prends point le change. Elmire, j'admire encore un coup cette faiblesse étrange. À ce moment, Elmire tourne autour de la table, s'arrête et a brusquement l'idée de cacher son mari sous la table. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité ? Orgon, voir, Elmire, oui. Orgon, chanson, Elmire, mais quoi ? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière. Orgon, contes en l'air. Elmire, quel homme ! Au moins, répondez-moi, je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien ? Orgon, en ce cas, je dirais que... Je ne dirai rien, car cela ne se peut. Elmire, l'erreur trop longtemps dure et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que, par plaisir et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Orgon, soit, je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse et comment vous pourrez remplir cette promesse. Elmire, faites-le-moi venir. Dorine, son esprit est rusé et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Elmire, non, on est aisément dupé par ce qu'on aime et l'amour propre engage à se tromper soi-même. Faites-le-moi descendre. Et s'adressant à Cléante, à Marianne, et vous, retirez-vous. Reste en scène Elmire et Orgon. Elmire, approchons cette table et vous mettez dessous. Orgon, comment ? Elmire, vous bien cacher est un point nécessaire. Orgon, pourquoi sous cette table ? Elmire, mon Dieu, laissez faire. J'ai mon dessin en tête et vous en jugerez. Mettez-vous là, vous dis-je. Et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende. Orgon, s'installant sous la table. Je confesse qu'ici ma complaisance est grande, mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Elmire, vous n'aurez que, je crois, rien à me repartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais, par des douceurs, puisque j'y suis réduite, faire poser le masque à cet âme hypocrite. Flatter de son amour les désirs effrontés et donner un champ libre à cette témérité. Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre que mon âme à ses voeux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez. Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée quand vous croirez l'affaire à ses avant-poussées d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître et... L'on vient, tenez-vous et gardez de paraître. Tartuffe. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler, Elmire. Oui, là on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout de crainte, de surprise. Tartuffe ouvre les portes, la porte du petit cabinet, etc. Et voyant qu'il n'y a personne, revient tout près d'Elmire. Elmire, une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel,

Elmire, c'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Tartuffe, cela certes est fâcheux, Elmire, oui. Plus qu'on ne peut dire, Tartuffe, enfin votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Elmire, regardant la table, sous laquelle son mari n'a toujours pas bougé, enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchisse là. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce contentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence, la faute assurément n'en doit pas être à moi. Tartuffe, oui madame, on s'en charge. Et la chose de soi... Elmire, ouvrez un peu la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Tartuffe, qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire et je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il n'importe. Sortez, je vous prie, un moment. Et partout là-dehors, voyez exactement. Tartuffe sort. Orgon soulève le tapis et apparaît. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir. Et tout ceci m'assomme. Elmire, regardant son mari. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour voir des choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Orgon, non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Elmire, mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre. Et ne vous hâtez point, de peur de vous méprendre. Tartuffe ouvre la porte. À ce moment précis, Elmire se met devant Orgon et Orgon se dissimule derrière la jupe d'Elmire. Tartuffe revient. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouve. Et mon âme ravie, et au moment précis où Tartuffe va se précipiter sur Elmire, Elmire s'esquive d'un petit pas, et Tartuffe tombe sur Orgon. Orgon l'arrêtant. Troudou, vous suivez trop votre amoureuse envie, et vous ne devez pas vous tant passionner. Ha ha! L'homme de bien, vous m'en voulez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté fort longtemps que ce fût tout bon, et je croyais toujours qu'on changerait de ton, mais c'est assez avant pousser le témoignage, je m'y tiens, et n'en veux pour moi pas davantage. Elmire, s'adressant à Tartuffe, c'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci, mais on m'a mise au point de vous traiter ainsi. Tartuffe. Quoi? Vous croyez? Orgon, allons! Point de bruit, je vous prie, dénichons de séance et sans cérémonie. Tartuffe, mon dessein. Orgon. Ces discours ne sont plus de saison, il faut sur le champ sortir de la maison. Tartuffe. C'est à vous d'en sortir. Vous, qui parlez en maître, la maison m'appartient. Je le ferai connaître. Et vous montrerez bien qu'en vain on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Qu'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure, que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture, venger le ciel qu'on blesse, et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Et Tartuffe sort. Elmire. Quel est donc ce langage et qu'est-ce qu'il veut dire? Orgon, ma foi, je suis confus et n'ai pas lieu de rire. Elmire, comment? Orgon, je vois ma faute aux choses qu'il me dit et la donation m'embarrasse l'esprit. Elmire, la donation? Orgon, oui, c'est une affaire faite. Mais j'ai quelque autre chose encore qui m'inquiète. Elmire, et quoi? Orgon, vous saurez tout. Mais voyons au plus tôt si certaines cassettes est encore là-haut. Cinquième acte, Orgon et Cléante en scène. Cléante s'adressant à Orgon. Où voulez-vous courir, Orgon? Là, que sais-je, Cléante? Il me semble que l'on doit commencer par consulter ensemble les choses qu'on peut faire en cet événement. Orgon, cette cassette-là me trouble entièrement. Plus que le reste encore, elle me désespère, Cléante, cette cassette. Et donc un important mystère, Orgon. C'est un dépôt, Cargasse. Cet ami que je plains, lui-même en grand secret, m'a mis entre les mains. Pour cela, dans sa fuite, il me voulut élire, et ce sont des papiers, à ce qu'il m'a pu dire, où sa vie et ses biens se trouvent attachés, Cléante. Pourquoi donc les avoir en d'autres mains lâchés, Orgon? Ce fut par un motif de cas de conscience. J'allais droit à mon traître en faire confidence, et son raisonnement me vint persuader de lui donner plutôt la cassette à garder, afin que pour nier, en cas de quelque enquête, juste un faux fuyant, la faveur toute prête par où la conscience eut pleine sûreté à faire des serments contre la vérité. Cléante. Voilà mal, au moins, si j'en crois l'apparence. Et la donation et cette confidence sont, à vous en parler selon mon sentiment, des démarches par vous faites légèrement. On peut vous mener loin avec de pareils gages. Et cet homme, sur vous ayant ses avantages, le poussait encore grande imprudence à vous, et vous deviez chercher quelque biais plus doux. Orgon, quoi ? Sous un beau semblant de ferveur si touchante, cacher un cœur si double, une âme si méchante, et moi qui l'ai reçu gueusant, et n'ayant rien. C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien, j'en aurai désormais une horreur effroyable, et m'en vais devenir pour eux pire qu'un diable, Cléante. Eh bien, ne voilà pas de vos emportements. Vous ne gardez en rien les doux tempéraments. Dans la droite raison, jamais n'entre la vôtre. Et toujours d'un excès, vous vous jetez dans l'autre. Vous voyez votre erreur. Et vous avez connu que par un zèle fin, vous étiez prévenu. Mais pour vous corriger, quelle raison demande que vous alliez passer dans une erreur plus grande et qu'avec le cœur d'un perfide vaurien, vous confondiez les cœurs de tous les gens de bien? Quoi, parce qu'un fripon vous dupe avec audace sous le pompeux éclat d'une austère grimace? Vous voulez que partout on soit fait comme lui? Et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui? Laissez aux libertins ces sottes conséquences. Démêlez la vertu avec ses apparences, ne hasardez jamais votre estime trop tôt, et soyez pour cela dans le milieu qu'il faut. Gardez-vous, s'il se peut, d'honorer l'imposture. Mais aux vrais ailes aussi n'allez pas faire injure. Et s'il vous faut tomber dans une extrémité, péchez plutôt encore de cet autre côté. La porte s'ouvre et Damis, l'enfant qu'on avait chassé, revient. Damis, quoi, mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qu'il n'ait point de bienfait quand son âme il n'efface et que son lâche orgueil, trop digne de courroux, se fait de vos bontés des armes contre vous? Orgon, oui, mon fils. Et j'en sens des douleurs non pareilles. Damis, laissez-moi. Je lui veux couper les deux oreilles. Contre son insolence, on ne doit point gauchir. C'est à moi tout d'un coup de vous en affranchir. Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme. Cléante, arrêtant Damis. Voilà tout justement parler en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps où par la violence, on fait mal ses affaires. Entre en scène la grand-mère, Madame Pernelle, Marianne, Elmire, Dorine, Damis, Orgon, Cléante, tous les personnages. Madame Pernelle, qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Orgon, ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits, chaque jour, il est par moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et dans le même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Et non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages. Me réduire au point où je l'ai transféré et me chasser de mien qu'il m'a retiré. Dorine. Le pauvre homme. Madame Pernelle. Mon fils! Je ne puis du tout croire qu'il ait voulu commettre une action si noire. Orgon. Comment? Madame Pernelle. Les gens de bien sont enviés toujours. Orgon. Que voulez-vous donc dire avec votre discours, ma mère? Madame Pernelle. Que chez vous on vit d'étranges sortes et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Orgon. Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit? Madame Pernelle. Je vous l'ai dit 100 fois quand vous étiez petit, la vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais n'ont jamais l'envie. Orgon. Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui? Madame Pernelle. On vous aura forgé sans son compte de lui. Orgon. Je vous ai déjà dit que j'ai vu tout moi-même. Madame Pernelle. Des esprits de médisants, la malice est extrême. Orgon. Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Madame Pernelle. Les langues ont toujours du venin à répandre et rien n'est ici-bas qui s'en puisse se défendre. Orgon. Se tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Madame Pernelle, mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Orgon, j'enrage. Madame Pernelle, au fond, soupçon, la nature est sujette et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Orgon, je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Madame Pernelle, il est besoin pour accuser les gens d'avoir de justes causes et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses. Orgon, diantre, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais donc ma mère attendre qu'à mes yeux il eût. Vous me feriez dire quelques sottises, Madame Pernelle. Enfin, d'un trop pur zèle, on voit son âme éprise, et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit. Orgon, allez, je ne sais pas, si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirais tant je suis en colère, Dorine. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas. Cléante, nous perdons des moments en bagatelle pure, qu'il faudrait employer à prendre des mesures aux menaces du fourbe, on doit ne dormir point. Damis, quoi, son effronterie irait jusqu'à ce point, Elmire? Pour moi, je ne crois pas cette instance possible, et son ingratitude est ici trop visible. Cléante, ne vous y fiez pas. Il aura des ressorts pour donner contre vous raison à ses efforts, et sur moins que cela, le poids d'une cabale embarrasse les gens dans un fâcheux dédale. Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, vous ne deviez jamais le pousser jusque-là, Orgon. Il est vrai, mais qu'y faire? À l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments, je n'ai pas été maître. Cléante, je voudrais de bon cœur qu'on pût entre vous deux de quelconque de paix raccommoder les nœuds. Elmire, si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes, mais... Et à ce moment, la porte s'ouvre et on voit apparaître Loyal, l'huissier. Orgon, que veut cet homme? Allez tôt le savoir, je suis bien en état que l'on me vienne voir. Loyal s'adressant à Dorine. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie que je parle à monsieur. Dorine, il est en compagnie et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Monsieur Loyal, je ne suis pas pour être en ces lieux importants. Mon abord n'aura rien, je crois qu'il lui déplaise, et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Dorine, votre nom? Loyal. Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe, pour son bien. Dorine, à Orgon. C'est un homme qui vient avec douce manière de la part de M. Tartuffe pour affaire dont vous serez, dit-il, bien aise. Cléante, il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Orgon, pour nous raccommoder, il vient ici peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire paraître? Cléante, votre ressentiment ne doit point éclater. Et s'il parle d'accord, il le faut écouter. On introduit Loyal. Loyal s'adressant à Orgon. Salut, monsieur. Le ciel père de qui vous veut nuire et vous soit favorable autant que je désire. Orgon. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Loyal, toute votre maison m'a toujours été chère et j'étais serviteur de monsieur votre père. Orgon, monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Loyal, je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur, et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Orgon, quoi? Vous êtes ici? Loyal, monsieur, sans passion. Ce n'est rien seulement qu'une sommation. Un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise, ainsi que besoin. Orgon, moi? Sortir de séance? Loyal, oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison à présent, comme savait de reste, au bon monsieur Tartuffe, appartient sans conteste. De vos biens, désormais, il est maître et seigneur en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et l'on n'y peut rien dire. Damis, certes, cette impudence est grande et je l'admire. Loyal, monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous. C'est un monsieur. Il est irraisonnable et doux. Et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à la justice. Orgon, mais Loyal, oui, monsieur, je sais que pour 1 000 000, vous ne voudriez pas faire rébellion et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Damis, vous pourriez bien ici sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à Verges, attirer le bâton. Loyal, faites que votre fils se taise ou se retire, monsieur. J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès-verbal. Dorine, ce monsieur Loyal porte un air bien déloyal. Monsieur Loyal, pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses et ne me suis voulu, monsieur, charger des pièces que pour vous obliger et vous faire plaisir. Que pour ôter par là le moyen d'en choisir, qui n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Orgon, et que peut-on de pis que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux, Loyal? On vous donne du temps. Et jusque à demain, je ferai sur séance et l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec 10 de mes gens, sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte avant que se coucher les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider de séance jusqu'au moindre ustensile. Mes gens vous aideront et je les ai pris fort pour vous faire service à tout mettre dehors. On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense. Et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, monsieur, d'en user bien et qu'au-dessus de ma charge, on ne me trouble en rien. Orgon, du meilleur de mon cœur, Je donnerai sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure, et pouvoir à plaisir sur ce mufle asséné le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Cléante, laissez, ne gâtons rien, Damis. À cette audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Dorine, avec un si bon dos, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous sieraient pas mal. Loyal, on pourrait bien punir ces paroles infâmes, ami, et l'on décrète aussi contre les femmes. Cléante, finissons tout cela, monsieur, c'en est assez. Donnez-toi ce papier de grâce et nous laissez. Loyal, jusqu'au revoir, le ciel vous tienne tous en joie. Orgon, puisse-t-il te confondre et celui qui t'envoie. Orgon, prenant le papier. Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit. Et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues, madame Pernelle? Je suis tout ébobi et je tombe des nues. Entre Valère, le fiancé de Marianne. Valère, avec regret, monsieur, je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai dû le prendre a violé pour moi par un pas délicat le secret que l'on doit aux affaires d'État et me vient d'envoyer un avis dont la suite vous réduit au parti d'une soudaine fuite. Le fourbe qui longtemps a pu vous imposer depuis une heure au prince a su vous accuser et remettre en ses mains dans les traits qu'il vous jette d'un criminel d'État l'importante cassette dont, au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, vous avez conservé le coupable secret. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, mais un ordre est donné contre votre personne. Et lui-même est chargé pour mieux l'exécuter d'accompagner celui qui vous doit arrêter. Cléante, voilà ses droits armés. Et c'est par où le traître de vos biens qu'il prétend cherche à se rendre maître. Orgon, l'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Valère, le moindre mouvement vous peut être fatal. J'ai pour vous emmener mon carrosse à la porte avec 1000 louis qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps, le traître est foudroyant et ce sont de ses coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite et vous accompagner jusqu'au bout votre fuite. Orgon, là... Que ne dois-je point à vos soins obligeants? Orgon embrasse sa femme, sa mère, sa fille, serre la main à son fils. Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps. Et je demande au ciel de m'être assez propice pour reconnaître un jour ce généreux service. Adieu. Prenez le soin, vous autres, Cléante. Allez tôt, nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut. La porte s'ouvre et Tartuffe entre. Tout beau, monsieur, tout beau. Ne courez point si vite. Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte, et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Et Tartuffe désigne l'exempt représentant du roi qui se trouve dans le fond de la pièce. Orgon, s'adressant à Tartuffe. Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies, et voilà couronner toutes tes perfidies. Tartuffe, vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir, et je suis pour le ciel apprise à tout souffrir. Cléante. La modération est grande, je l'avoue, Damis. Comme du ciel, l'infâme impudemment se joue. Tartuffe, tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir, et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Marianne, vous avez de ceci grande gloire à prétendre, et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Tartuffe, un emploi ne saurait être que glorieux quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux. Orgon, mais t'es-tu souvenu que ma main charitable, ingrat, t'as retiré d'un état misérable. Tartuffe, oui. Je sais quel secours j'en ai pu recevoir, mais l'intérêt du prince est mon premier devoir. De ce devoir sacré, la juste violence étouffe dans mon cœur toute reconnaissance. Et je sacrifierais à de si puissants nœuds, amis, femmes, parents, et moi-même avec eux. Elmire, l'imposteur. Dorine, comme il sait de traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère. Cléante s'adressant à Tartuffe. Mais s'il est si parfait que vous le déclarez, ce zèle qui vous pousse, et dont vous vous parez, d'où vient que pour paraître, il s'avise d'attendre qu'à poursuivre sa femme, il ait su vous surprendre, et que vous ne songez à l'aller dénoncer que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser. Je ne vous parle point pour devoir en distraire du don de tout son bien qu'il venait de vous faire, mais le voulant traiter en coupable aujourd'hui, pourquoi consentiez-vous à rien prendre de lui? Tartuffe à l'exemple. Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie. Et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. L'exemple. Oui. C'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le remplir. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Il met la main sur l'épaule de Tartuffe. Tartuffe. Qui? Moi, monsieur? L'exemple, oui, vous. Tartuffe. Pourquoi donc? La prison. L'exemple lui arrache son chapeau. Ce n'est pas à vous à qui j'en veux rendre raison. L'exant s'adressant à Orgon et à toute la famille. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre et le piège plus fin, on le voit se défendre. D'abord, il a percé par ses vives clartés des replis de son cœur toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même. Et par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'action toute noire dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en un mot, avait vous détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite. Il ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'au bout et vous faire par lui faire raison de tout. Oui, de tous vos papiers dont il se dit le maître, il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître. Il rend les papiers à Orgon. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens et vous pardonne enfin cette offense secrète où vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits pour montrer que son cœur sait, quand moins on y pense, d'une bonne action verser la récompense. Que jamais le mérite avec lui ne perd rien, et que mieux que du mal, il se souvient du bien. Dorine, que le ciel soit loué, Madame Pernelle, maintenant je respire Elmire, favorable succès. Marianne, qui l'aurait osé dire? Orgon, menaçant vers Tartuffe, eh bien, te voilà, traître! Cléante, ah mon frère, arrêtez. Et ne descendez point à des indignités, à son mauvais destin, laissez un misérable, et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur, en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour, qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse du grand prince adoucir la justice, tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux rendre ce que demande un traitement si doux. Orgon. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Puis, acquittés un peu de ce premier devoir, au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir. Et par un doux hymen, couronner en valeur la flamme d'un amant généreux et sincère. La radiodiffusion Télévision Française vous a présenté une émission publique du Club des Sept, transmise du Théâtre des Noctambules, lecture à une voix, émission de Michel Polac et Guy Maxence, aujourd'hui Tartuffe de Molière, lu par Fernand Ledoux.